طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم سنأخذ حديثين جديدين، الثاني والعشرين والثالث والعشرين. أبرون دو نوفو حديث. يسون كور لو 22ème و 23ème. وكلاهما متعلق بمسائل فقهية عموما. Les deux sont relatifs à des règles de fiqh, de jurisprudence, principalement. Il y a des choses qui sont importantes à connaître, même indispensables. يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا يجنسه شيء لا ينجسه شيء عفوا. رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي. Dans ce hadith, le Nabi عليه الصلاة والسلام il dit que l'eau est purifiante et que rien ne saurait la souiller. طيب، donc tahour, ça veut dire qu'elle est pure en elle-même et purifiante pour autre. Quand les choses qui sont pures en elles-mêmes mais non purifiante. Et l'eau, elle est pure en elle-même et purifiante. Et on s'en sert pour tout ce qui touche à la purification pour les ibad. يقول هذا الحديث الصحيح يدل على الصح أو أصل جامع وهو أن الماء أي جميع المياه النابعة من الأرض ونازلة من السماء الباقية على خرقتها أو متغيرة بمقرها أو ممرها أو بما يلقى فيها من الطهارات ولو تغيرا كثيرا طاهرة تستعمل في الطهارة وغيرها. Donc ce hadith qui est authentique nous informe, nous enseigne un fondement général, d'ensemble, qui est que l'eau, et cela concerne toutes les eaux, comme les eaux des sources, les eaux de pluie, les eaux qui sont restées sur leur nature, ou qui ont changé du fait qu'elles sont restées dans un lieu stagnante, comme les lacs, les étangs, ou même les flaques, ou alors qu'elles ont changé par leur parcours, comme les eaux des rivières, les eaux des torrents, et les zalika. Il dit même les eaux dans lesquelles qui ont été mélangées avec des choses pures, même si elles ont beaucoup changé, il dit que l'eau de base, qu'on appelle l'eau, reste purifiante et qu'on peut l'utiliser. يقول ولا يستثنى من هذا الكلام الجامع إلا الماء المتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة كما في بعض الألفاظ في هذا الحديث. Il ne fait exception à cette parole que l'eau qui aurait changé, dont la couleur, c'est-à-dire l'aspect, ou le goût, ou l'odeur, aurait changé dû à un mélange avec une chose impure. Comme cela est venu dans des termes de ce hadith dans d'autres versions. C'est-à-dire cette eau qui est pure, comme on dit tahour, si elle venait être mélangée avec une autre substance impure, et ce mélange, il en résulterait un changement dans l'eau, cela pourrait altérer son aspect, ou son odeur, ou son goût, à cause de cette impureté, alors à ce moment-là, cette eau deviendrait elle-même impure, et inutilisable pour se purifier. Impropre, taïb, à la purification. وقد اتفق العلماء على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة، واستدل عليه الإمام أحمد وغيره بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية، يعني متى طهرت أو ظهرت أو صاف هذه الأشياء المحرمة في الماء صار نجسا خبيثا. Donc il y a unanimité des savants que l'eau, si elle serait concernée par le jugement qu'on vient de citer, c'est-à-dire qu'elle serait altérée dans l'un de ces trois descriptifs à cause d'une impureté, elle deviendrait impure elle-même, impropre à l'usage. D'accord ? Ça, c'est une masala sur laquelle il y a unanimité des savants. وهذا الحديث وغيره يدل على أن الماء المتغير بطهارة طهور وعلى أن ما طيب. Donc ce hadith prouve que l'eau, même qui aurait changé dû à un mélange avec une chose pure reste purifiante. Et ça, c'est l'avis de l'auteur. Car lui dit, المقصود أن هذا الحديث يدل على أن الماء قسمان. Il dit, il est de l'avis que ce hadith prouve que l'eau est de deux sortes. Najas, l'eau impure. C'est ce qu'on a décrit tout à l'heure. Et l'eau qui est purifiante. Et si elle est purifiante, c'est qu'elle est pure en elle-même. Et ensuite, il dit qu'il y a des gens qui ont instauré une troisième catégorie, qui serait l'eau pure, mais non purifiante. Ça veut dire en elle-même, elle est pure, mais tu ne peux l'utiliser pour la purification. Et ce serait une eau, par exemple, qui aurait été mélangée à une substance, qui aurait altéré un de ces aspects qu'on a cités dans l'eau impure, sauf qu'elle aurait été mélangée à une chose qui est pure. Par exemple, l'eau avec du café. Le café, c'est pur. Tu l'utilises avec quoi? Avec de l'eau. Ou le thé. D'accord? Une fois que c'est mélangé, l'eau au café, ça devient du café. Le café, c'est une chose qui est pure. Tu peux la boire, la consommer. Mais est-ce que tu veux faire tes ablutions avec? Selon l'auteur, oui. Sauf s'il voit que ça s'appelle plus de l'eau. D'accord? Et d'autres ulama, ils disent que ça rentre dans une eau qui a été mélangée à une substance pure, mais qui est sortie de sa nature d'eau. C'est plus de l'eau, c'est du café maintenant. Donc ils disent, c'est pur, mais c'est pas tahour. Ça peut pas te purifier. Mais là, l'auteur, lui, on comprend de son calem, je pourrais pas vous en dire plus, que lui, c'est comme s'il voyait que c'est tout même mélangé une chose qui est pure, même si ça change les aspects, elle reste purifiante. C'est ce que ça laisse entendre. Allah ta'ala alam. Parce qu'il a dit à un moment, au début, il a dit, attends, c'est encore le fakra. يقول أو بما يلقى فيها من الطهارات ولو تغيرا كثيرا طاهر تستعمل بطهارة. C'est-à-dire même une eau pure à laquelle on mélangeait une substance elle-même pure, même si cela viendra changer cette eau énormément, il dit elle reste propre à l'utilisation pour la purification. Donc son calème laisse entendre que tout ce qui provient de l'eau, même si ça a sorti de sa nature mais que ça reste pur, il voit qu'on peut l'utiliser pour se purifier. Est-ce que j'ai compris son calam? Allahu ta'ala alam. Mais d'autres disent que ce n'est plus de l'eau. Ce n'est plus de l'eau. Par exemple, pareil, un bouillon, tu fais cuire de la viande, tu mets de l'eau dedans pour faire de la sauce. Après, ça donne la sauce. C'est plus de l'eau. Donc ils disent, ça c'est pur, mais ce n'est pas purifiant. Mais lui, de l'auteur, on dirait que ça reste purifiant quand même. Allahu ta'ala alam. Donc comprenez ce hadith, c'est quoi le asl? C'est que les eaux, toute forme d'eau, de base, elle est purifiante. L'eau, comme on l'a dit, des sources, l'eau des pluies, l'eau de la mer, l'eau des lacs, l'eau des torrents, l'eau des rivières, l'eau même des flaques, les flaques de base qui n'ont pas été altérées par des choses impures, l'eau du robinet, toutes ces eaux-là, même l'eau qui n'est pas potable, hein, ça reste une eau avec laquelle tu peux te purifier. D'accord? Et cette eau devient impropre à la purification, à quel moment? Lorsqu'elle se voit mélangée à une substance impure qui viendrait altérer ses trois aspects, changer son aspect, c'est-à-dire sa couleur, son odeur ou son goût. À ce moment-là, elle est impure. Tu ne peux rien faire avec, ni la consommer, et ni, quand je dis tu ne peux rien faire avec, tu ne peux rien faire avec dans le sens, tu ne peux rien faire avec qui soit relatif à la consommation ou à la purification. Après, tu peux t'en servir peut-être pour, je ne sais pas moi, d'autres choses, mais pas pour ça en tout cas. Mafhoum hada? Tayeb. Yaqul al-hadith al-thalith wal-ishroun. 23e hadith. Ah. Là, il y a un ça te concerne, ça. An Abi Qatada radiallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fil hirra. إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. Qu'il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم à propos des chats, que ces animaux ne sont pas des animaux impurs, mais ne sont que des créatures qui tournent autour de vous, qui vivent avec vous en fait. نعم. يقول هذا الحديث محتوي على أصلين. Ce hadith, il renferme deux fondements. أحدهما أن المشقة تجلب التيسير. Ça, c'est une règle, parmi les règles majeures du fiqh, c'est que la difficulté amène à la facilité. Quand une chose qui est trop difficile, alors la religion veut pour faciliter, de trouver une issue. Et là, on trouve dans plein de situations. Dans la maladie, dans le voyage, dans la pluie ou autre. D'accord ? C'est une règle qui s'applique dans plein de situations. Et ce hadith est parmi les hadiths, comme le shir va le démontrer. يقول ومن جملته أنها هذه الأشياء التي يشق التحرز منها طاهرة. Il dit, et par exemple, les choses dont on ne peut se on va dire débarrasser restent pures. Il y a des choses des fois, le jugement de base c'est qu'elles sont impures, mais tu ne peux pas t'en débarrasser. Les choses elles sont liées à toi. Donc à ce moment-là ne t'empêcheront pas de faire ce que tu as à faire. La yajib rusl ma basharat bifiha ou yadiha ou rijliha. L'ennu allala fi zalika bikolihi innaha min tawafin alikum wa mutawafat. Il a dit par exemple, le chat, c'est un animal qui, comme vous le voyez là, ma salène maya, elle rentre dans tes vêtements, dans ta veste, dans ton sac, partout. Si elle était impure ou quoi, ça serait trop difficile de pouvoir. Tout le temps gérer, qu'est-ce qu'elle a touché, qu'est-ce qu'elle n'a pas touché, elle a tout touché. Et tu n'as pas le temps de faire quoi que ce soit. Donc la religion vient forcer pour dire que l'animal, il est pur. Prends pas la tête. Vous voyez, le chat, c'est un animal qui est pur. Il dort, des fois, il dort avec son maître, il se met sous le lit, il rentre dans ses chaussons, et tu le trouves n'importe où, le chat. D'accord ? Donc imagine, il serait impur, ça serait terrible pour celui qui a un chat. Même celui qu'on n'a pas, son voisin là, le chat rentre chez lui, là, c'est fort, va. Qu'est-ce que le chat, il a touché, il a été où, qu'est-ce qu'il a fait ? Tu deviens moisouès. Donc cette religion te fait comprendre que le chat, il est pur. Il te touche, il te lèche, même il touche ta nourriture, il la lèche, il mange dedans, il boit dans ton verre. C'est pur. D'accord ? C'est pur. يقول كما أباح الاستجمار في محل الخالج من السبيلين ومس ما أصابته النجاسة من النعلين والخفين وأسفل الثوب وعفي عن يسير طين الشوارع النجس. Il a dit par exemple, quand tu marches dans la rue, la base en islam, c'est que la salat, on l'a fait dans les chaussures. C'est ça le hukm de base. Et les gens disent souvent, mais des fois dans la rue, on marche sur le najasa ou autre. D'accord ? Ou qu'elle dit que la femme, l'obligation chez l'homme, c'est qu'il ait ses vêtements sous les chevilles. Et la femme, la sunna, c'est que son vêtement, il dépasse d'un lampon, qu'il traîne derrière. Donc les gens disent, mais ça, c'est ramasser saleté. D'accord ? On dit que justement, la religion est facile et que ce qu'elle touche comme sol par la suite, ça la purifie. La femme, son gilbet, par exemple, il traîne par terre et il vient toucher des choses impures, et ben, en continuant à marcher, il se purifie tout seul comme en touchant le sol, automatiquement. Et toi, pareil, quand tu marches avec tes chaussures, tu as marché sur quelque chose d'impur, d'accord ? À force de marcher sur la terre ou quoi, ça te purifie. Ça devient pur. Pourquoi ? Pour te faciliter, sinon ce serait impossible. Maintenant, c'est une grosse impureté, elle est là, tu la vois, tu la sens, tu nettoies. Mais si tu as marché ou quoi, qu'il y a des petites traces ou quoi, à la main, à dos. D'accord ? Non. Parce que des gens, ils refusent ce genre de sunnah pour ce genre de cause. Ils disent, mais pourquoi la femme a fait son vêtement ? C'est sale par terre. On dit, le sol, elle nettoie son vêtement. T'inquiète pas, il est pur. Shad'an, il est pur. كذلك, il dit, وَوْبِيحَ الدَّمْ الْبَاقِي فِي اللَّحْمِ وَالْعُرُوقَ بَعْدَ الدَّمْ الْمَسْفُوحِ. Par exemple, on sait que consommer du sang, c'est interdit. Il dit, pourtant, des fois, quand tu fais t'as un boucher ou quoi, tu coupes de la viande, toujours des petits restes de sang. Tu ne pourras jamais enlever le sang, une goutte de sang. Et ben ce petit reste qui reste, tu as le droit de le consommer. Ce qu'il faut, c'est que le sang qui est intérieur soit déversé, l'animal se vide du sang, et les petites gouttes qui restent, elles ne te nuisent pas en rien. Tu ne rentres pas dans l'interdiction du sang à consommer. Pourquoi ? Parce que tu ne pourras pas t'en débarrasser, c'est impossible. Tu vois ? Il y aura toujours une petite goutte de sang qui va rester. Non. Et il dit, là c'est une masala sur laquelle il y a un grand khilaf, وبيحة يسمون الجو نحنا وبيحة ما أصابه فم الكلب من الصيد وما أشبه ذلك مما يجمعه علة واحدة وهي المشقة. Là ça concerne le chien. Le chien, il y a trois avis dessus. L'auteur va le citer, mais là on en parle في المقدمة. Ulama il voit qu'il est impur de A à Z. Son poil, sa peau, sa bave, son urine, ses excréments, tout, il est impur. D'autres ils disent c'est l'opposé total. Ils disent qu'il est pur de A à Z. Son poil, sa peau, sa bave, sa sueur, ses excréments, son urine. Et d'autres, ils disent il est pur, sauf sa bave. Il y en a même qui disent sa bave est impure, ses excréments, il reste pur. Il y a différentes catégories. D'accord ? Selon la vie où sa bave, elle est impure, lui, l'auteur, il dit que justement, quand tu chasses avec un chien, le chasseur, il doit avoir un chien qui est dressé pour la chasse. Il vise ton animal, le gibier. Avec, par exemple, avec, à l'époque, c'était avec un arc et une flèche. Avant de tirer, dit bismillah. Il lâche ta flèche. Il atteint la cible. Il faut que ce soit le chien, et qu'il ait nommé Allah sur le chien également. Il faut que le chien ait cherché le gibier. Donc, selon l'avis que la bave du chien, elle est impure. On va dire, mais sa bave, elle est impure. Avec quoi il va attraper l'animal? Avec sa bouche. D'accord? D'ailleurs, l'imam Boukhari voit que le chien, il est pur par rapport à cette cause-là. Qui dit, si t'es impur, il ne pourrait pas toucher la chose que tu vas consommer. Et d'autres ulama, eux, voient, non, ils prennent cette règle-là pour dire, c'est une chose qu'on ne peut pas te débarrasser. Donc, la pureté de sa bave ne va pas influer sur la nourriture que tu vas prendre. C'est pour ça qu'ils voient que non, sa bave, elle est impure. Mais le fait qu'il prenne avec sa bouche, ça rentre comme dans le sang qui reste un peu. Ou, par exemple, quelqu'un qu'on appelle cécilatel bol, une incontinence urinaire. T'as des gens, ils ont tout le temps des petites gouttes d'urine qui sortent. Toujours. D'accord ? Eh bien, ils disent celui-là, il fait l'ozo avant chaque salat. Et il fait salat. Et même si ça coupe dans la salat, mayador. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas s'en débarrasser. Il est malade. Il ne va jamais faire la salat sinon. Tu vois ? Donc il dit, lui, il fait l'ozo juste avant la salat. Et après, il fait salat. Même si ça coule. T'en as pas, ils ont des gaz. Tout le temps en Syrie, ça sort. Ils n'arrivent pas à se retenir, ils sont malades. Ils disent pareil. Toi, t'attends le dernier moment avant la salat, tu fais l'ozo. Va en salat. Même si ça sort pendant la salat, continue ta salat. Pourquoi tu ne pourras pas t'en débarrasser ? Donc il rentre dans la règle. Que la difficulté amène la facilité. Toi, tu ne peux pas t'en débarrasser. Donc, craignez-la comme vous pouvez, fais la salade quand même. Donc, eux, ils voient que la bave du chien, comme le chasseur ne pourra pas éviter que sa bave touche le gibier, ils disent à ce moment-là, c'est excusé. Mais ils voient que la bave, elle reste impure quand même. Par rapport au hadith, au Nabi, il a dit si le chien entre vous, dans le récipient d'un d'entre vous, qu'il le lave 7 fois. Avec de la terre. La dernière avec de la terre, en fait. Donc, ils disent. Pour que ce soit aussi important, c'est que la bave, elle est impure. D'autres ulama disent non, c'est ta'aboudan. C'est un acte de dévotion, il ne dit pas qu'il y a une impureté. Il dit par exemple, parce que regarde, quand nous, on urine, on touche nos vêtements avec de l'urine, on ne lave pas 7 fois. Donc il dit pourquoi le chien ? Ils disent le chien, c'est un cas spécial, que sa bave, peut-être qu'elle a des bactéries, des saletés que nous, on ne connaissait pas à l'époque, qu'ils ne connaissaient pas à l'époque, et que le wahi est venu pour dire, pour les faire disparaître, pour faire comme ça. Pour eux, ils ne voient pas pourquoi c'est impur. Même tome ? C'est pour ça qu'il y a un khilaf là-dedans dans la mas'ala. Et le khilaf, il est quoi où il est fort. En tout cas, là, on a la réponse de ceux qui voient que la bave, elle est impure par rapport au gibier. L'autre jour, on se posait la question. Donc, il dit les animaux, comme le chat, même le rat, les souris, tu vois, ces animaux, ils sont purs. Le rat, la souris, c'est un animal, il faut les tuer. Mais en lui-même, d'accord, c'est un animal qui n'est pas une impureté. Il n'y a pas de dalil. D'ailleurs, il y a un hadith qui dit que si le rat il tombe dans le sem, c'est-à-dire dans le beurre de l'un d'entre vous, qu'il enlève le rat, il enlève ce qui est autour et il mange. Il mange. Vous voyez ? Mais il n'y a pas de dalil qui dit que le rat, c'est un animal qui est impur. Ou la souris. Il n'y a rien qui le dit. Par contre, c'est sale. Naam. Ça, je vous l'accorde. Tu vois, il se peut que tu sois un peu. Pris de répulsion de toucher un truc que le rat, il a marché dessus, ou il a fait ses besoins dessus, tu vois, tu dis, je vais pas manger ça. Mais impureté en soi, c'en est pas une. D'accord? C'en est pas une. Donc, vous comprenez la règle maintenant, la règle à comprendre, c'est quand il y a une chose qu'on ne peut se délier, qu'on subit malgré nous, et qui de base, c'est une chose qui doit empêcher un acte d'adoration parce qu'il est impur ou quoi, à ce moment-là, ça devient excusé. D'accord? Ça devient excusé. Et ça rentre dans plein de choses. Yaqul, walidharika kala ashabuna al-hayawanat aqsam khamsa. Donc là, il dit, lui, parce que l'auteur, il était sur le mazhab Hanbali. Donc il dit, selon leur mazhab à eux, que les animaux sont de 5 catégories par rapport à l'impureté. Première catégorie, najas, des animaux qui sont une impureté. D'accord ? Qu'ils soient vivants ou morts. Cet animal, il est impur. Comme lui voit le chien, les fauves et le porc. D'accord ? Personnellement, je ne suis pas de cet avis-là. Pour moi, ces animaux-là, c'est tous purs. Ce n'est pas ce qui est un haram qui est forcément impur. D'accord ? Et les hadiths sur le porc, ils ont dit c'est fenou rijz. Le mot rijz, c'est une chose qui est, en fait, ça ne veut pas forcément dire impur, ça peut être une chose qui est mauvaise. Une chose qui est, ça peut être sale, ça peut être d'autres choses, c'est pas forcément impur. Et les fauves, kazalik. Il n'y a pas de délic pour dire que les fauves sont des animaux impurs. Car à la base, quand ils disent fauves, ils ne disent pas forcément félin. C'est tous les prédateurs, ça peut être les lions, ça peut être les loups, ça peut être les hyènes, d'accord ? Quand on dit fauves, c'est les animaux, les prédateurs, tu vois, sur Terre. Les gros prédateurs, on va dire. Les gros, ouais. Donc lui, selon l'avis de leur mazhab, ils voient que tous, ils sont impurs. Tu ne le touches pas. Le chien, tu ne le caresses pas. Si tu le caresses, va te laver la main directement. Tu vois ? Ou autre. Et le porc, et ainsi que les fauves. Ça, c'est la première catégorie. Thani, ma kana ta'iran fil haya, wa najasan ba'd al-mamat. Ce qui est pur en étant vivant et qui devient impur après la mort. C'est-à-dire, ça devient un cadavre, la chair morte. Il dit, comme par exemple le chat. D'accord ? Le chat, pourquoi ? Car c'est un animal vivant, comme le hadith le prouve, il est pur, mais c'est un animal, tu ne peux pas le manger, tu ne peux pas l'égorger. Donc quand il va mourir, il va être comment ? Ce sera la chair morte. Et il voit que la chair morte, c'est impur, au contact. D'accord ? Thalith, ma kana ta'iran fil haya wa ba'd al-mamat. Ce qui est pur de son vivant et de son et après la mort. Tayeb. Walakinnahu la yahill akluhu. Mais cependant ils sont impropres à la consommation. Comme par exemple les insectes ou les animaux qui n'ont pas de sang. Ce sont des animaux, ils sont purs, vivants, et après la mort, mais tu ne les as pas égorgés, pourquoi ce sont des animaux, tu ne peux pas les... D'accord ? Mais s'ils meurent, ils sont purs. Tout ce qui est insectes, les araignées, les cafards, les vers, est-ce qu'il n'y a pas de sang comme les escargots, les limaces, des animaux comme ça, qui n'ont pas de sang, ils sont purs. Arabir, ma kana ta'iran fil hayat wa ba'd al-zakah. Wa zalika kal hayawanat al-mubah akluha. Quatrième catégorie, ce sont les animaux qui sont purs de leur vivant et purs après leur mort s'ils ont été égorgés. Comme tous les animaux qu'on mange. Comme le bétail, les ovins, les bovins, d'accord ? Et les alicas, le poulet, et tout, la volaille. Ces animaux-là, dont la chair est pure, une fois qu'ils sont morts, car ils ont été sacrifiés selon les rites islamiques. الخامس ما كان طائرا في الحياة وبعض الممات زكيا أو لم يزكى وهو حلال وذلك كحيوانات البحر كلها والجراد أو كلها نعم والجراد. Maintenant c'est la cinquième catégorie d'animaux, donc ceux qui sont purs de leur vivant et après leur mort, qu'ils étaient sacrifiés ou pas, d'accord, il dit ils sont halal comme les animaux marins et les sauterelles. D'accord ? Les sauterelles, c'est un animal, à la base, c'est un insecte. C'est un animal, mais une fois qu'il est mort, d'accord ? Alors, je ne sais pas pourquoi il l'a mis ici, il ne l'a pas mis dans l'autre catégorie. Peut-être parce que lui, il voit que les insectes, on ne les mange pas. C'est haram, mais bon. Après, ça sert à lui en ourf. Il n'y a pas vraiment d'ali qui dit que manger un cafard, c'est haram. Ce qui est interdit, c'est manger un animal qui sera nuisible à la consommation. Il a du venin ou il est, tu vois. Mais sans quoi, dalil pour dire ça, c'est haram de manger ça. Il n'y a pas de dalil. Je ne dis pas d'aller manger des cafards. Hein. Je dis juste par rapport au hukm shar'i, tu vois. Est-ce que c'est halal, est-ce que c'est haram. Et il n'y a pas de dalil qui dit que c'est interdit d'en manger, que c'est haram, celui qui en mange. Après, on sait que c'est sale, kaza et kaza, c'est autre chose. Donc normalement, la sauterelle aurait dû être citée dans l'autre catégorie. Et peut-être que lui, il voit que c'est haram de manger les insectes. C'est pour ça qu'il a séparé la sauterelle du reste. Parce que la sauterelle, les sahabes en ont mangé. Et les animaux marins, lorsqu'il est sur la terre, par exemple comme une tortue, ils disent tu l'égorges. Par exemple. Ou un crocodile. Un animal que tu vois dans l'eau et sur terre, ils disent quand même tu le prends sur terre, ils disent tu l'égorges. Et ils disent celui qui est mort dans l'eau, il n'a pas à l'égorger. طيب دونك لا سكي اغوتونيغ لا ريغل كومبرون دو سو حديث سي كو المشقه تجلب التيسير كو سكي ديفيسيل امن فاسيليتي ان ريليجيون ان سيتون سو حديث دون ا بري دي ريغل بار رابور اوز انيمو مي سيت ريغل لا سابليك دون بلا سيتواسيون داكور دون بلا سيتواسيون نعم خلاص نكتفي بهذا القدر وسبحانك وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك